Mais qu'est-ce qu'il a de mieux finalement ce serveur que les autres quoi? Bah apparemment, enfin déjà il a l'avantage qu'il est pas chez un de nous quoi, donc du coup pour la bande passante et tout je pense que c'est mieux quoi, mais après apparemment il marche pas forcément mieux. Ouais, moi je vois la différence pour moi c'est que je me fais pas déconnecter. Puis ça saccade pas aussi. Ça saccade pas par contre. Ouais voilà, ça saccade pas mais on est bien décalé quoi. Par contre chez moi ça saccade un peu hein, au niveau du son, le son j'ai l'impression que je perds de la synchro quoi. Par contre chez moi ça saccade un ouais, peu. Voilà hein, déjà. Ouais. Puis c'est continu le son quand même. Voilà, il faut que je reparte et que je revienne pour que ça marche. Olivier, on t'entend toujours pas. T'es pas en... T'as transmis ton cocher, Olivier ? Un peu ou quoi? Ça y est, on t'entend. Allô? Je suis là, hein. Ah. Ah, maintenant on t'entend, ouais, voilà. Maintenant on t'entend, les gars. Ok. Ah non, faut enlever les effets. Interface pour les effets. Là, du dos. C'est moi. Ouais, mais il y aurait moyen de savoir qui c'est qui fait l'écho là. Attends, je me mute. Oui, pour c'est voir moi. Si c'est, c'est moi. C'est pas quelqu'un qui aura laissé ses haut-parleurs allumés. J'ai pas de casque. T'as pas des petits écouteurs qui traînent? J'ai pas de casque. Je crois que ça aura été une soirée productive. Je crois que ça aura été une...